reprends ça, je vais tellement l'enculer. Tellement que H.I.V. ne pourra pas m'arrêter. Batterie faible, je suis scandalisé. Les rappeurs font de la merde en toute impunité. Je vais faire du sale, je vais te bruxelliser. Je crois même que je vais te iser. Si boy China, je vais transmettre mes amitiés. Nécro, je viens de tout officialiser. Je paye une. Depuis j'habite en si resto et cinéma. Reclus, ville, loin des faux négro. Ici et là, des vergondes et là, te pue et mal vêtu. Je la baisse direct sans mettre de doigts. Terre des neiges dans les hautes sphères comme tes prières. J'côtoie que l'au-delà, j'parle en tu avec le sommet. Serpent de l'enfer, jamais vous voyera. Oui, fuck les ondes RCNV. Retrouve mon flow sur au calme radio. Dis des saloperies pendant le doggy. Y'a comme ça que j'parlerai dans ton dos. OPG tag et le gang. OG que j'suis dans le bang. Le leader est champion de France. Donc pour le niquer, j'ai dû appeler deux fois négro. Ouh, j'l'ai manœuvré dans la pièce et j'ai niqué sa mère. Noir, malement. Noir, malement. Un joint de verre dans la caisse fume au bord de la mer. Noir, malement. Noir, malement. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Dans le noir devant Dieu le père agenouillé. J'prie pour les fois où j't'ai défoncé genouillé. Beaucoup trop sévère la vie à chaque fuguet. Grosse pute à 40 euros j'me fais sucer. Salope. Les trois derniers gros mots que j'ai dit avant de cracher. J'connais ton futur, il ressemble à mon passé. T'as trop de vergetures du sport, t'en fais pas assez. Et puis toi un peu plus solide en passant. T'es plus poilu que la moustache de mon passant. T'as pas de gamos, tu les prends en location. T'as pas de dribbling, tu prends les contrefaçons. J'suis au pied du mur, mais celui de lamentation. J'ai la clé du succès, t'as la clé du maton. La sorte de vin quand j'me noie dans la boisson. Posé idon, on appelle la nation. J'ajoute Kevin Garnett, Minnesota, KG. Son âge n'est pas net, donc j'fais pas le R. Kelly. No. J'm'en fous qu'elle soit bonne aujourd'hui. Ton son cul vieillit comme celui de Gillo. Dolph à la prod, Damso, Dre, Mike, Elizondo. Nec de la PEC, Borsalino, Belmondo. J'l'ai manœuvré dans la pièce et j'ai niqué sa mère. Noir, malement. Noir, malement. Damso. Un joint de verre dans la caisse fume au bord de la mer. Noir, malement. Noir, malement. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang. Que de la vie. Oh, puis tu taguais le gang. Oh, j'y cache dans le bang.